Bonsoir à tous et bienvenue sur Radio Gémozo 107 FM pour cette nouvelle édition de l'heure des loups, la quotidienne de 18h à 19h sur le 107. Et comme je l'avais annoncé sur Facebook, d'ailleurs ce que j'avais pas dit, c'est qu'on sera malheureusement pas en direct ce soir, mais après tout c'est pas grave, hein, l'émission que vous écoutez aura été enregistrée le jour même. Mais comme je l'avais annoncé, je le disais hier soir et sur Facebook, on va parler de littérature ce soir, un sujet qui me passionne particulièrement, mais que vous le savez, si vous en souvenez, c'est la raison pour laquelle j'ai fait mes débuts ici. Et aujourd'hui, on va, comme je le disais, parler de littérature pour la sortie d'un roman. Il s'agit des Roses de Montfort de Gilles Laporte, qui est avec nous ce soir. Bonsoir Gilles. Bonsoir Lou. Et avec une autre invitée qui est là avec nous ce soir, c'est une première dans l'heure des loups, c'est Dominique de J'ai aimé, je vous le lis. Bonsoir Dom. Bonsoir Lou, bonsoir tout le monde. Eh bien voilà, j'ai aimé, je vous le lis. Et maintenant, je suis très fière d'être avec Gilles pour la sortie de son livre. La fierté est partagée, chère Dominique. Et voilà, comme on le disait, on va passer une très belle heure, je l'espère, tous les trois, pour mettre en avant, Gilles, ton roman, ton travail, le travail qui a été fait derrière et même ce qui a été fait avant. On a beaucoup, beaucoup de choses à se raconter, donc on va commencer par le commencement, à commencer par toi, Gilles. D'ailleurs, il y a beaucoup de commencer, c'est très redondant. Comme je le disais, hein, dans l'heure des loups, j'aime bien commencer par présenter la personne que j'ai en face de moi. Gilles, j'ai envie de te présenter comme un écrivain, mais j'ai vu d'ailleurs que dans des interviews que tu donnes, tu ne te définis pas comme écrivain, mais comme ouvrier de lettres. C'est bien ça? Je vois que vous êtes bien renseignées toutes les deux. Oui, je ne suis pas écrivain, je suis un ouvrier des lettres. Alors ça mérite une explication. Je suis fils d'ouvrier de filature des Vosges. Et dans ma famille, comme dans la plupart des familles ouvrières de cette époque-là, comme dans la plupart des familles paysannes aussi de ce temps-là, c'était les années entre 1945 et 1960, il n'y avait pas de livres. Pas de livres, pas de disques, parce que lire ou écouter de la musique, c'était considéré comme des occupations de fainéants. Donc pas de livres, pas de disques. Je me suis mis à écrire comme mes parents allaient au travail tous les jours, c'est-à-dire qu'ils allaient à l'usine tous les matins à 5 heures. Ben, je me mets à écrire tous les matins à 5 heures. Eux croisaient des fils, des fibres de coton pour faire du fil. Moi, je rassemble des mots pour faire des phrases, pour faire des chapitres, pour faire des livres. Donc il n'y a pas de différence entre eux qui étaient des ouvriers de filature. Moi je suis un ouvrier aussi, ouvrier des lettres. Voilà, c'est une... L'outil et le matériau sont un peu différents, mais la démarche, l'attitude et la conception du travail pour moi sont les mêmes. Comme tu le disais, tu as toujours aimé écrire. Qu'est-ce qui a été en fait pour toi un déclic? Qu'est-ce qui t'a poussé à le faire? Ma première maîtresse d'école. Je suis un enfant de l'école de la République. Et ma première maîtresse s'appelait Madame Jungen, j'aime bien rappeler son nom, parce qu'elle est à l'origine de ma présence ici avec un livre. Elle avait un talent pédagogique extraordinaire et elle a permis à des générations d'enfants, dont j'étais, de découvrir les subtilités, les transparences, les rythmes, les beautés de la langue française, les harmonies de la langue française. Et je l'avais au cours élémentaire première année, je suis tombé amoureux de la maîtresse sans doute, mais aussi et surtout de la langue. Et l'amour de la maîtresse d'école, ça finit par passer, mais l'amour de la langue, ça ne m'a pas passé. Au contraire, ça se développe tous les jours, ça se renforce tous les jours. Donc c'est elle qui m'a donné cette envie de lire et, partant de la lecture, d'écrire. Parce qu'elle a si bien fait son boulot avec moi que j'ai décroché le prix de lecture au cours élémentaire première année. Et pour la circonstance, il y avait encore des remises de prix à cette époque-là, des cérémonies dans la salle des fêtes du village, avec tous les notables sur l'estrade, avec le maire, le conseil municipal, le postier, le curé. Enfin non, pas le curé, parce que chez moi, c'était un village dont la municipalité était communiste, donc ils ne s'entendaient pas très bien. Et puis il y avait les pompiers au pied de l'estrade qui essayaient de faire de la musique, et puis les parents étaient là, donc c'était une grande fête. Et lorsque mon nom a été appelé, je suis allé voir le maire qui m'a remis un livre, mon premier livre, mon tout premier livre, rien qu'à moi. C'était le Don Quichotte de Cervantes que j'ai lu des centaines de fois, des milliers de fois, en me répétant à chaque fois que si je le pouvais, j'écrirais un jour des histoires comme celle-là. Donc voilà, c'est merci Madame Jungen, voilà pourquoi je suis un passionné de l'écriture. Voilà pourquoi tu es un passionné de l'écriture et que tu as commencé en fait à aimer l'écriture. Je pense qu'on reviendra peut-être, ça me semble intéressant aussi, la symbolique peut-être que revêt ce livre d'enfant pour toi, parce que je suis tombée sur une interview aussi qui disait qu'aujourd'hui encore tu le lis. Mais avant de parler de ça, tu as ensuite poursuivi un parcours dans la littérature, dans l'histoire, pour perfectionner ton amour des mots et du patrimoine, parce que ça revient aussi, ton amour du patrimoine. J'ai fait des études de philosophie ensuite à Nancy. C'est pas ça qui prépare à explorer l'histoire, quoique la philosophie, c'est quand même la science des sciences. Elle permet d'explorer, d'ouvrir le ventre à toutes les sciences, y compris la science historique. Donc, études de philosophie, et déjà j'écrivais, j'ai publié mon premier recueil de poésie en 68, je précise toujours avril 68. Après, j'étais très occupé par des événements que vous pouvez deviner. Donc, je n'avais plus le temps d'écrire et de publier. Ça a duré quelques mois quand même, cette histoire-là d'indisponibilité pour cause d'activisme. Et cette préparation philosophique a développé ma curiosité tous azimuts, y compris et surtout dans le domaine de l'histoire, parce que je ne peux pas imaginer qu'on puisse vivre sans connaître son histoire, sans savoir d'où l'on vient. Je ne peux pas imaginer qu'on puisse savoir se situer dans le présent si on ne sait pas d'où on vient, où on est né, comment on est né, dans quelles circonstances, dans quel type de culture. Nous sommes traversés par notre propre histoire, et notre propre histoire est traversée par la grande histoire. Donc je ne pouvais pas imaginer vivre et tenter de comprendre ce qui se passait autour de moi sans connaître l'histoire. Et je m'y suis intéressé, mais pas en tant qu'historien. Je ne suis pas historien, je n'ai pas fait d'études d'histoire, mais j'aime passionnément l'histoire. Elle est quasiment l'un des personnages de chacun de mes romans. Je précise, je ne suis pas historien parce que, malheureusement, ou heureusement pour eux, j'en sais rien, lorsque je rencontre un historien, il a toujours une vision très, très dogmatique de l'histoire. Une vision très très intellectuel, une sorte d'analyse permanente, régulière et cadrée. Alors que c'est pas ça l'histoire. L'histoire, c'est la vie au quotidien des gens simples comme nous, comme nous sommes là tous autour de cette table. Je peux affirmer la même chose pour chez moi, parce que mes petits-enfants, je les amène toujours dans la montagne où sont nés mes grands-parents, arrière-grands-parents. Je leur dis, on marche sur la terre de nos ancêtres. Ouais. C'est de là que vous sortez, c'est très important, je pense, pour situer une vie, ouais, de se situer avec la terre. Mais bien sûr, et l'histoire, ce sont les humbles qui l'écrivent. Ceux dont je suis issu, ceux dont je suis encore aujourd'hui, ouvrier, je l'ai dit et je le répète, ouais, sans eux, sans nous, rien ne peut se faire, aucune production de richesse, donc pas d'histoire collective, pas d'aventure collective. Les politicards ne font que essayer de récupérer ce qui est produit par ces gens simples qui sont à l'origine de tout. Et c'est à des années-lumière de la vision de l'histoire qui est celle des historiens professionnels. Non, l'histoire pour moi est un personnage de roman. Même si, alors que pour mes personnages romanesques, je m'autorise absolument tout, ils sont complètement libres, ils font ce qu'ils veulent. Mes personnages historiques sont des personnages dont je respecte scrupuleusement tous les éléments de la vie. Oui, on le voit bien dans le livre. Je respecte l'histoire. Je ne pourrais pas tordre le cou à l'histoire, ça n'est pas possible. Je la respecte scrupuleusement, mais alors là-dedans, j'injecte des personnages romanesques qui eux font ce qu'ils veulent. On Puis parle... des noms sont cités, hein, Léon Millot, Chrétien au Berlin, ouais. L'occupation de l'Alsace par les Allemands, on voit que c'est pas inventé. Ben non, c'est là, chose pure et dure. Tu donnes quelques exemples concrets, Dominique, de ce que je viens de dire. Oui, Léon Millot, il a bien existé. Il était Mandre-sur-Vair, pépiniériste. Il était empélographe, donc spécialiste de la vigne, et il faisait partie de ceux qui, lorsque le phylloxéra a ruiné les vignobles, s'est battu contre la bestiole pour tenter de replanter et sauver les vignes vosgiennes, lorraines et françaises, et voir au-delà. Il y a des cépages qui portent son nom, qui produisent un vin fameux en Californie. Oui, j'ai vu. donc c'était un homme très important, personnage historique dont j'ai scrupuleusement respecté tous les moments de l'existence. Et puis tu citais aussi Oberlin et quelques autres personnages historiques. Tu parles de l'annexion de l'Alsace par la Prusse entre 70 et 18. Oui, tout ça fait partie de nos ancêtres. Oui, ce qu'ils ont vécu. Et plus que du contexte de mon livre, ce sont des personnages essentiels de mon livre aussi. Oui. Quelle belle aventure que fait le père. Ah ben Charles. Le père de Louise. Hein. Oui. Quelle belle aventure, quel courage aussi. Ben oui, c'est un personnage romanesque, Charles, mais qui porte tout ce que j'aime faire porter par mes personnages, c'est-à-dire... une vision ouverte et généreuse de son environnement, même si vis-à-vis de sa fille, il est un peu dictatorial, il est un peu macho. Ça existe toujours dans ces familles où le travail a été très dur, où les gens ont vécu des choses terribles. Les pères se sont un petit peu retranchés. Derrière, c'est ce que je pense, derrière une vue pudique. Et puis, tu dois faire ça parce qu'il faut absolument que nos terres restent nos terres. Il faut absolument que notre travail ne soit pas perdu. Oui, voilà. Bien sûr. Je ressens un peu... Il y a cette explication, tu as fort raison, Dominique, mais il y a aussi le fond culturel. N'oublions pas que les femmes n'avaient pas accès à l'instruction à cette époque-là. Non. N'oublions pas qu'elles étaient interdites d'études. Pour une raison simple, c'est qu'on n'avait surtout pas envie qu'elles se mettent à penser par elles-mêmes. Oui. Elles sont plus malines, les femmes. L'Église est responsable pour beaucoup de cette situation. Rappelons-nous Monseigneur Dupanloup, évêque du 19e, qui parcourait la France dans tous les sens pour rappeler à tous ses curés, avec ordre aux curés de le rappeler à toutes les familles, que les filles devaient être élevées exclusivement sur les genoux de l'Église. Et je ne change pas une virgule à sa phrase. Exclusivement sur les genoux de l'Église. Donc l'éducation des filles, c'était une éducation qui passait par le catéchisme, par l'interprétation des textes sacrés, par l'acceptation des dogmes imposés par l'Église, et hormis ça, il n'y avait rien, cette science, c'était le diable. Les filles étaient interdites de lire des romans, par exemple. Et elles étaient entièrement soumises à l'autorité du père, parce que le père incarnait l'ordre, j'allais presque dire, l'ordre sacré. Familial. L'ordre sacré. Donc voilà. Ce qu'ils recevaient au mariage, vous devez faire comme ça avec vos enfants. Donc Charles incarne très exactement cette nature de la paternité telle qu'elle était conçue au 19e siècle. Ouais. Avec quand même de l'autre côté, un petit peu, pas vraiment en antagoniste, mais en personnage qui fait un petit peu la scission, Louise, le personnage principal, qui est, on en parlera un petit peu plus tard, je pense après la pause musicale, un personnage très avant-gardiste, du moins par rapport à ce qu'on connaît. Très différente en fait de ses contemporaines, parce que je pense que c'est important, les auditeurs n'ont peut-être pas forcément lu Les Roses de Montfort, on pensera peut-être à leur livrer la synopsis du roman pour leur donner envie de lire et pour continuer d'approfondir en fait l'histoire, les détails, les personnages. Mais avant, je propose peut-être qu'on s'écoute une première pause musicale. Il s'avère que d'ailleurs d'un commun accord, Tacite, Dominique et Gilles ont choisi du Chopin. Et Gilles, tu as proposé une valse en la bémol majeur. Je ne peux pas en dire plus sur le morceau, mais on s'écoute ce morceau et on se retrouve juste après sur Radio Gémozo. Et vous êtes de retour sur Radio Gémozo 107FM. Vous avez à l'instant écouté un morceau de Chopin, un artiste qui apparaît dans Les Roses de Montfort de Gilles Laporte, qui est toujours avec nous à l'antenne pour présenter, comme je le disais, son roman sorti récemment le 23 août, Les Roses de Montfort. Et on a quand même, Dominique et Gilles sont déjà partis dans une petite analyse psychologique des personnages qui est fort intéressante. Mais je pense un petit peu à nos auditeurs qui n'ont peut-être pas forcément lu le roman. Alors, Mais qui vont le lire. Oh oui, à coup sûr, on leur donnera envie. Dominique, est-ce que tu veux bien nous lire une petite synopsis, s'il te plaît? Alors, moi, qu'est-ce que je vous dirais exactement sur ce livre magnifique, l'histoire donc de Louise, une petite jeune fille qui va déjà s'émanciper vis-à-vis de son père, qui voulait la marier. Et puis après, elle va travailler dans un magasin de tissus magnifique. Elle va s'acheter un vélo et là, il y a un passage magnifique parce que ce vélo va lui permettre de voir la liberté. Un premier amour, des soucis avec les messieurs, c'est sûr, c'est de son âge, c'est de l'âge des messieurs. C'est un petit peu difficile à vivre tous ces moments-là. Et puis, un petit peu de tristesse et puis pas de catastrophe, mais elle est vraiment dégoûtée de la vie à un moment donné. Ça, c'est le roman qui vous le racontera. Elle revient chez son papa, chez sa maman, qui la console. Et puis après, elle retourne. Et puis après, elle revient encore une fois chez sa maman, chez son papa, qui lui montre la beauté de la vigne. Après, il y a un deuxième amour. Puis après, je ne vous dis plus rien parce que c'est pour vous le livre. Et voilà, c'est vrai qu'il y a de l'histoire. Il y a des calamités comme la grippe espagnole. Et voilà, puis je vais laisser Gilles approfondir peut-être plus ce qu'il a voulu vous transmettre dans ce livre. Voilà. J'ai voulu surtout raconter une histoire. Voilà. Je suis un conteur. Raconter une histoire, l'histoire d'une jeune femme de la fin du 19e siècle qui incarne quasiment toutes les femmes du 19e, qui est la synthèse de tout ce que subissaient les femmes à cette époque-là. On l'a dit tout à l'heure, interdiction de faire des études, interdiction de vivre par elle-même, interdiction de regarder ailleurs que dans le cadre étroit qui leur était indiqué par les parents eux-mêmes relais de l'Église, interdiction de s'épanouir. Elles avaient l'ordre de se soumettre à tous ceux qui voulaient bien les dominer. Et les hommes étaient des dominateurs. Ils le sont encore pour beaucoup aujourd'hui, hélas. Il n'y a pas eu beaucoup de changements, même si on a un peu progressé tout de même. Donc, c'est une jeune femme qui va être échangée contre une vigne. Pourquoi va-t-elle être échangée contre une vigne? Alors, c'était très, très fréquent à l'époque. Hein. La femme, à cette époque-là, était considérée comme une sorte de monnaie d'échange, comme une sorte d'objet de marchandage. Elle servait surtout à agrandir le patrimoine. On échangeait une fille contre une vigne, dans le cas précis, contre une autre terre, contre une maison, contre une dot. Donc, on agrandissait le patrimoine familial en offrant une fille. Ça va être le cas. Mais le garçon auquel elle est promise, c'est le fils du propriétaire de la vigne voisine de mon héros Charles, qui lorgne sur cette ville, Charles, en disant « Si on pouvait rassembler les deux parcelles, ça ferait la plus belle du coteau. Quoi. Qu'est-ce que ce serait chouette. » Oui, mais le problème, c'est que le propriétaire voisin ne veut pas vendre sa vigne. Il serait d'accord à une condition. C'est que sa fille, Louise, épouse son fils. Or, son fils ne plaît pas. Certains diraient avec un humour un peu douteux qu'il a été bercé un peu trop près du mur. Mais bon, la nature ne l'a pas aidé, donc personne n'en veut. Et le père de ce gamin-là s'est dit que l'autre veut absolument sa vigne, c'est le moment de placer le fils. Mais la fille n'en veut pas. Louise n'en veut pas. Elle n'aime pas ce garçon. Et elle va se rebeller contre cette autorité paternelle, elle va dire pas question. Donc là encore, elle incarne tout ce que les femmes ressentent, vivent, expriment dans cette période de la fin du 19e siècle. Et on voit aussi le rôle de la maman de Louise qui soutient sa fille et qui essaye par tous les moyens de décider son mari, de la protéger, de la laisser faire. La mère est à la frontière, à la charnière de deux époques. Elle est du 19e, qui balade encore les valeurs du 18e siècle, mais elle est déjà aussi dans le début du 20e, avec la conscience de la nécessité de révolte des femmes. Elle comprend sa fille. Oui. Elle comprend sa fille, elle comprend le refus de sa fille. Et elle va tout faire pour tenter de faire passer le refus de sa fille auprès de son mari, ce qui ne va pas être sans problème. Mais elle va y aller avec beaucoup de subtilité, beaucoup de délicatesse, beaucoup de bienveillance, beaucoup de générosité. Oui. Et elle va finir par ébranler tout de même l'autorité de Charles, de son mari. Ah, oui. Il y a de très belles phrases que vous citez, avec le père et la mère. Et... Voilà, j'ai bien aimé la situation familiale, le secret familial, où tout se décide finalement avec de la réflexion et beaucoup d'amour. En fait, finalement, le père, quand même, laisse quand même, même s'il met les poings dans ses poches, il laisse quand même son épouse discuter. Ben, il va y avoir un élément très, très important dans l'évolution de son comportement. Ça va être le voyage qu'il va faire en Alsace. Bon, il voit sa vigne qui est ravagée par le phylloxéra. Il est catastrophé par cette situation et il décide de se rapprocher de M. Léon Milou, le pépiniériste, personnage historique du village voisin de Mandres-sur-Vère, qui lui travaille sur la mise au point de cépages nouveaux. Donc il va le voir et il lui dit « j'aimerais que vous me donniez des tuyaux pour replanter de sorte que la vigne dans notre pays subsiste ». Et Milou lui répond « Moi, je fais des recherches ». On n'a pas abouti encore. Oui. Et je cherche avec des spécialistes de l'Institut vitivinicole de Colmar. Eux non plus n'ont pas encore abouti. On est vraiment dans une phase de recherche. Mais ils ont des pistes. Charles lui dit, mais quelle piste vous pourriez... Non, je ne peux pas vous dire. On est encore en phase de recherche. Alors Charles se dit, Léon Milou ne veut pas me donner des tuyaux. J'irai les chercher moi-même en Alsace. Voilà. Ah oui, mais aller en Alsace à cette époque-là, c'était prendre des risques énormes. Parce que la frontière, l'Alsace était prussienne, comme le nord de la Moselle, et la frontière entre la Prusse et la Lorraine, c'était la route des Crêtes. Notamment cette frontière, si on se promène. Hein. Notamment le col de la Schlourte. Voilà. Or, là-haut, les gardes frontières prussiens étaient des types absolument intraitables. La mentalité allemande, à l'époque-là. Ils ne rigolaient pas sur toutes les tentatives de franchissement de la frontière. Ils avaient l'ordre de ne pas laisser passer les hommes, bien sûr, mais de ne pas laisser passer non plus les produits, quelles que soient les marchandises. Donc, mon héros, Charles, dit « moi, j'y vais quand même ». Donc, il y va, il réussit à passer la frontière pour aller à Colmar. Il va à Colmar, il rencontre Chrétien Oberlin, le spécialiste qu'il reçoit fort bien, qui discute avec lui, qui lui offre un bon coup à boire. À manger. Et à manger de bonnes, bonnes spécialités alsaciennes. Voilà. Et quand il rentre, ben il a sous son manteau, il planque sous son manteau des cépages qui ont été mis au point par l'Institut de Colmar. Des cépages qui seraient résistants au phylloxéra. Il est fier, il rentre avec ça, il va pouvoir avec ça, par reproduction de ces cépages-là, reconstituer la vigne qui a été détruite. Mais il se fait prendre à la frontière. Et là, catastrophe, il prend un coup de fusil et il va devoir attendre quelque temps de récupérer ses forces, de recouvrer une sorte de liberté perdue à cause de la blessure dans une ferme des Hauts-de-Vosges avant de rentrer chez lui. Et cet épisode-là va le travailler, va l'amener à réfléchir sur ce qu'il est, ce qu'il fait, la manière dont il le fait et surtout à la relation qu'il entretient avec ses deux femmes. Je peux lire un tout petit passage. Sa femme et sa fille. Allez-y, Dominique. Quand il arrive. Ah oui. Donc Charles arrive donc dans sa maison et il lui prit la main de sa femme, hein, murmura si bas qu'elle eut de la peine à comprendre. Je vous aime tellement tous les deux. Première fois de son existence qu'il avait osé employer ce mot. Marie ne l'avait jamais entendu de personne, tout comme lui. Merci. Je t'aime, mon papa. N'aie crainte. Nous serons toujours ensemble. Voilà. Et c'est vrai que c'est très rare. C'était très rare, même moi, quand j'étais petite. Jamais mon père ne m'aurait dit « je t'aime ». Jamais, jamais. Non, jamais. Il m'aimait énormément, mais jamais il n'aurait osé le dire. Il y avait une pudeur qui interdisait de confier ses sentiments, d'offrir son amour à l'autre. C'était extrêmement rare, pour ne pas dire... Je suis certain qu'on a des anciens qui sont morts sans jamais l'avoir entendu. Voilà, ce mot, hein. Tout à fait. Et ça, c'est retransmis dans ce livre et on y croit, parce qu'on connaît. Mais Charles rentre quasiment métamorphosé par ce coup de fusil qu'il a pris. Voilà. Et j'ai pas voulu faire une démonstration dans ce roman, mais simplement j'ai observé et j'invite à partager le fruit de l'observation que l'homme très souvent n'évolue qu'après une catastrophe, qu'après une blessure profonde, qu'après un moment de vie très très douloureux, qui balaye ses certitudes et qui l'ouvre à d'autres perspectives relationnelles avec ceux qui l'entourent. C'est le cas de Charles. Oui, c'est le cas de Charles. Tout à fait. Il ne sera plus le même après ce voyage en Alsace que ce qu'il était avant. Beaucoup de vos personnages, hein, d'ailleurs, dans ce livre. Ouais, hein. Le premier amant de Louise aussi. À ce même, c'est encore pire, lui. Parce que, il faut que les lecteurs le lisent. Ce que j'ai envie d'inviter à partager, c'est la vision selon laquelle, selon moi, tout individu est perfectible, quel qu'il soit, d'où qu'il vienne. Oui, tout à fait. Quelle que soit son histoire personnelle, quels que soient les actes qu'il a pu commettre, il est perfectible. C'est ma conviction profonde et s'il y a un message que je voudrais faire passer dans mes romans, c'est peut-être celui-là. Oui. L'autre se respecte, quel qu'il soit, d'où qu'il vienne, quels que soient ses comportements antérieurs, et il est perfectible, il peut devenir de toute façon quelqu'un d'autre et quelqu'un de bienveillant, même s'il a été très malveillant avant. Donc ça, c'est ma conviction profonde. Le bon côtoie en permanence le moins bon dans l'être humain. Et nous avons tous, les uns les autres, la mission de faire en sorte que le bon se développe davantage que le mal. Et oui, on dit toujours, même les Japonais ou les Chinois, le yin ou le yang. Et puis, c'est vrai que quand on sort de ce livre, on n'a pas d'animosité contre personne. Voilà. Enfin, pour mon avis personnel à moi, bon, c'est la vie, quoi. Il y a toujours des choses tristes qui nous arrivent, des déceptions, mais... C'est vrai que Parce que c'est ce qui ressort beaucoup aussi, c'est quelque chose, c'est techniquement d'un point de vue technique, c'est une histoire. D'un point de vue pragmatique, tu l'as dit, Louise, Charles, la famille Bourrel, Marie sont des personnages techniquement inventés avec un fond bien entendu de vrai, hein, avec, comme tu le disais, hein, Léon Omillo, Chrétien d'Oberlin, le Philoxéa, la grippe espagnole, et aussi ça se passe, on n'en a pas trop parlé, à la Neuville-sur-Montfort, donc c'est un lieu géographiquement proche, hein, par rapport à ce qui se passe dans d'autres romans. Tu as su transposer en fait une partie, l'histoire et l'imaginaire et des choses que tu as créées de toutes pièces. Et ça, comment dire, il y a tellement de détails que c'est complètement vraisemblant. On pourrait croire que c'est une vraie histoire. Ça doit être un gros travail de recherche. Je me souviens des détails sur les tissus des vêtements des femmes quand elles assistaient aux cérémonies religieuses. Les détails où la manière dont les hommes parlaient aux femmes quand ils les percevaient mal ou les femmes aussi quand elles s'émancipaient un petit peu. On parlait de Louise qui d'ailleurs, comme on le disait, un personnage très avant-gardiste pour son époque, hein, elle s'émancipe comme Dominique avait soulevé quand même la thématique du vélo qui est très importante, la thématique du premier amant, plein de choses, et le fait qu'elle se rebelle contre son père. Donc ça doit être quand même un gros travail pour faire en sorte que, comment dire, je fais des gestes, les auditeurs le voient pas, mais que les deux, en fait, toile de fond, arrivent à s'harmoniser. Pour moi, c'est pas compliqué, parce que, comme je l'ai dit en préambule, nous ne sommes que le produit de notre histoire, que le produit de l'histoire qui nous environne, que je le veuille ou non. Aujourd'hui, même si je m'y intéresse d'un peu loin, quoique non, je m'y intéresse de près, mais au moment où je vous parle, je m'y intéresse d'un peu plus loin, le remaniement ministériel qui est en cours. il nous traverse aujourd'hui, en ce moment même, au moment où nous sommes dans ce studio. En ce moment, il nous décide quelque chose, c'est sûr. Ce moment de l'histoire nous traverse, que nous le voulions ou non. Nous sommes complètement imprégnés par ce qui s'écrit autour de nous, ce qui se fait, ce qui se décide autour de nous. Trump prend une décision en ce moment à Washington, elle nous concerne. Et elle conditionne aussi, d'une certaine manière, notre façon d'être. Ça, c'est ma certitude. Donc, que l'histoire soit aussi présente dans mes romans et dans celui en particulier, n'est que le reflet de la vie telle que je la conçois et telle que je la vis. Je disais tout à l'heure, l'histoire est un autre personnage. C'est peut-être le personnage principal. Comment comprendre le comportement d'un personnage romanesque, de Charles, de Louise, de sa mère, Marie, de Henri, du petit Pierre. Comment comprendre le personnage de ces gens-là si on n'a pas dans son détail, tu as parlé de détail, Lou, si on n'a pas dans ce détail les informations concernant les modes de fonctionnement de la société, les modes les vêtements, les étoffes employées, parce que le rapport physique avec l'environnement fait partie aussi de la relation au monde. Donc tout ça est très très important. Oui, ça suppose un travail documentaire important, ça suppose d'aller rechercher, je vous disais tout à l'heure, ne pas raconter n'importe quoi, on n'a pas le droit, en tout cas je ne m'autorise pas à tordre le cou à l'histoire. Comme tu le disais, et par rapport à... Alors tu as dit tu tords pas le cou à l'histoire, mais en ce qui concerne tes personnages, tu peux te permettre de faire des choses un petit peu différentes. Et s'il y a quelque chose qui me semble important, et même pas qui est important, et qui est d'ailleurs ressort dans plusieurs de tes œuvres, c'est la place de la femme en fait. Hein, parce que on le dit clairement, Louise... pour son époque, hein, c'est quand même une femme forte. Bon, elle a déjà sa mère qui l'aide aussi à tenir tête au personnage pourvu de chromosomes techniquement XY. Elle tient tête à son père, elle refuse le destin qui lui est techniquement ou qui lui est même complètement imposé. Elle sort en fait des sentiers battus. J'ai cru comprendre, oui, que la cause féminine est quelque chose de très important pour toi. C'est l'un des fils rouges de mon travail d'auteur. Mes romans ont toujours des héros féminins très très forts. Je pourrais même corriger ce que je viens de dire en disant que tous mes héros de romans sont des héroïnes. Lorsque j'entre dans un nouveau roman, dans une nouvelle histoire, je me dis ça va être une histoire d'homme. Je vais écrire une histoire d'homme. Là, ouais, bon, là j'entre avec Charles, c'est une histoire d'homme. Les trois premières pages, histoire d'homme. Mais dès la quatrième, une femme apparaît, et à la sixième page, ça y est, c'est devenu une histoire de femme. C'est quelque chose qui est en moi et qui est une sorte de nécessité. Je ne supporte pas les injustices, quelles qu'elles soient. Je ne supporte pas les irrégularités, les inégalités, le manque de respect, quel qu'il soit. Je parlais tout à l'heure de l'être humain qui est en permanence adaptable et améliorable. Même si on a porté un jugement, j'ai horreur de juger, mais si on a porté un jugement négatif sur quelqu'un il y a quelque temps, ce jugement, on doit l'oublier pour revoir l'être tel qu'il est devenu, tel qu'il peut devenir aussi. C'est pareil pour mes personnages. Les femmes sont pour moi le féminin. Et le passeur essentiel, et l'élément élévateur essentiel de notre société. Je ne connais pas d'homme qui ait pu grandir sans l'accompagnement, le soutien, l'invitation à aller vers une femme. Je ne connais aucun homme qui se soit révélé à lui-même, qui ait appris à se connaître lui-même, sans qu'un regard de femme l'aide à se lire lui-même. Je n'en connais pas. Alors bien sûr, il y a qui s'en défendent. Donc quoi ? Bah ouais, moi, c'est moi qui l'ai aidé, elle. À... Oui, d'accord, mais ça, c'est le comportement. Mais d'abord, il l'a aidé, elle. C'est déjà faire rentrer une femme chez lui. Hein. Oui, parce non mais... c'est immédiat, la femme, depuis qu'elle existe, en même temps que l'homme, elle est toujours vivante. Il y en a toujours autant. Et elles ont bien résisté, et elles rendent quelquefois les hommes très malheureux aussi. Donc, je pense à l'égalité, moi. Je pense, j'ai toujours été libre de penser tout ce que je voulais chez mes parents. Donc, quand il y avait justement ces époques de mai 68 ou de choses comme ça, mon père me disait toujours, vas-y, mais tu vas jusque 9h30, 10h, mais tu rentres pour l'heure là, que je ne me fasse pas de soucis. Mais... jusque-là, j'avais le droit de dire ce que je voulais et de penser ce que je voulais. Et je pense que j'ai élevé mes enfants aussi comme ça. Mes garçons savent faire la cuisine. Ma fille sait très bien chanter, jouer du piano et diriger une affaire. Donc, il faut pas croire que tout est noir. Il y a les femmes, elles sont quelquefois très malines. Il faut aussi voir. Mais je ne crois nullement que tout est noir, ni que tout est blanc. Non. Tout est en nuance, et j'espère le montrer dans la vie de mes personnages. Tout est en nuance. Mais je méfie, s'il y a un mot dont je me méfie, c'est bien le mot égalité. Hein. L'égalité entre hommes et femmes, pour moi, c'est une chimère. Oui. En revanche, un mot que je mets en avant en permanence, c'est le mot respect. Que chacun respecte l'autre, que la femme respecte l'homme et que l'homme respecte la femme. Mais surtout, celui qui respecte le moins l'autre, c'est l'homme jusqu'à présent, hein, qu'on le veuille ou non. Donc que l'homme respecte davantage la femme et on sera plus heureux tous ensemble. Mais si, pour en revenir à ce que je disais, pour ce qui est de l'essentiel, c'est le féminin qui est le seul guide vrai dans notre monde. Le féminin, pas la femme, le féminin, c'est-à-dire ce féminin sacré. J'ajoute sacré, qui est ce qui porte vers le haut, qui porte vers la lumière, et non pas vers les ténèbres. Ça, c'est quelque chose qui est... Alors, on peut me dire, oui, il y a des femmes noires. Oui, bien sûr, il y a des femmes qui sont... Ça n'a rien à voir, ça peut-être. Non, mais femmes méchantes, je veux dire. Ah, des méchantes. Il y a des femmes méchantes, il y a des hommes... Oui, mais je parle du féminin. Le féminin qui est en chacun d'entre nous, homme ou femme, mais qui est... davantage évidemment logé dans la femme, c'est celui qui permet l'évolution positive de notre société. Oui. Ça, pour moi, c'est évident. C'est la raison pour laquelle mes héros sont tous des héroïnes et la raison pour laquelle les femmes accompagnent les hommes et les aident à grandir. Sans elles, tout à l'heure, on a écouté Chopin. J'ai publié une biographie de Frédéric Chopin, c'était en 2000, elle a été rééditée depuis parce qu'elle est très demandée. Mais je suis entré dans la vie de Frédéric Chopin par toutes les femmes qui l'ont accompagné. Sa mère d'abord, sa sœur, sa grande sœur, Louise, Ludwika. Ensuite, ses premières amours de conservatoire. Il y a eu ensuite George Sand. Ils ont traversé la vie ensemble pendant 10 ans, presque 10 ans. Il y a eu ensuite Jane Stirling, qui était la dernière compagne de Chopin, qui l'a menée, alors qu'il était mourant, dans des voyages impossibles. Elle voulait le traîner pour lui faire donner des concerts dans son pays. Elle était écossaise, en Écosse et en Angleterre. Donc, il ne serait pas devenu ce qu'il est devenu, le génie dont nous avons écouté une œuvre tout à l'heure, s'il n'avait pas eu autour de lui, à côté de lui, en lui, en permanence, ces femmes et ce féminin sacré. Il le dit lui-même, il l'a dit à plusieurs reprises, tout mon travail de compositeur au piano n'a été que de tenter de reproduire par la mécanique du piano la voix de femme. Voilà. Si tu dis ça aussi, c'est que peut-être que tu fais, je peux peut-être aller loin, une transposition sur toi, tu as dit même les hommes, les grands hommes sont forcément accompagnés par des femmes. Tu as parlé plutôt de Madame Junger, je crois. Madame Jungen, ma maîtresse d'école. Oui, et peut-être d'autres femmes qui t'ont aussi accompagnée. Mais bien sûr, il y a eu Madame Jungen, il y a eu ma mère, bien évidemment, hein. Ma grande sœur, qui est toujours là, à côté de moi, et on est en relation permanente. Et puis, il y a eu des accompagnatrices qui ont été des révélatrices, oui, et qui ont fait de moi ce que je suis aujourd'hui. Sans cet accompagnement permanent du féminin, je reprends ce mot féminin, je ne serais pas là, mes deux grand-mères ont joué un rôle considérable. Là, je fais une petite parenthèse familiale presque intime. Ma grand-mère maternelle était ouvrière de filature. Elle était à Châtel-sur-Moselle, petite ville qui a été rasée en juin 40 par des bombardements allemands. Entièrement rasée. Ma grand-mère, qui habitait une cité ouvrière, pas très loin de l'usine où elle travaillait, a vu la cité ouvrière partir en fumée. Elle a tout perdu, elle n'a pas pu récupérer un mouchoir. Elle a tout perdu. Et ma mère, qui à l'époque avait 20 ans, 21 ans, en a été traumatisée. À ce point que tout devenait, dans son environnement, tout devenait danger. Pour elle, c'était pas grave, mais pour moi. Donc, tout ce qu'elle ne connaissait pas et qui nous environnait représentait des risques pour moi. Donc, elle m'a hyper protégé. Elle m'interdisait d'aller à droite, à gauche, de marcher, de courir, d'aller monter une corde, de descendre, d'aller au soleil, de rester à l'ombre. Tout était interdit parce qu'elle m'hyper protégeait. Et lorsque sa propre mère était là, ma grand-mère maternelle, et qu'elle m'interdisait de faire quelque chose, ma grand-mère me disait, en présence de sa fille, elle me disait, n'écoute pas ta mère, mon gamin, n'écoute pas ta mère, fais ce que tu as envie de faire. Ça provoquait de temps en temps des tensions entre elles, mais c'était leur problème, c'était pas le mien. Et moi, j'écoutais ma grand-mère et je faisais ce que j'avais envie de faire. Donc ma grand-mère maternelle m'a appris la rébellion. Elle m'a enseigné la rébellion, le refus de l'ordre, quel que soit l'ordre. Elle m'a encouragé à chercher à être moi-même, pas quelqu'un d'autre, moi-même. Quoique mon environnement social, politique, économique veuille faire de moi, non, que je reste moi-même. Ça, c'est ma grand-mère maternelle. Et puis ma grand-mère paternelle, qui, à la fin du 19e siècle, était une jeune fille, elle avait rêvé devenir maîtresse d'école, comme on disait à cette époque-là. Elle n'a pas pu l'être pour les raisons qu'on évoquait tout à l'heure. La première, c'est que les filles n'allaient pas faire d'études en ce temps-là. Et la deuxième, c'est qu'elle s'est trouvée enceinte avant le mariage. Rendez-vous compte. La catastrophe. Elle a été chassée par sa famille, elle est devenue ouvrière. Et ma grand-mère, comme tous les ouvriers de cette époque, je l'ai dit et je le répète, n'avait pas de livres à la maison. Elle ne lisait pas, parce que c'était considéré comme une occupation de fainéant. Donc ma grand-mère ne lisait pas. Puis ma grand-mère est morte en octobre 1959. J'avais 14 ans. Et quelques jours après sa mort, mes oncles ont décidé de faire l'inventaire de sa maison parce qu'ils avaient l'intention de la vendre. Donc la maison était ouverte aux quatre vents et tout le monde entrait, enfin tout le monde, la famille, allait un peu partout dans la maison pour faire cet inventaire. Et moi, j'en ai profité pour visiter des lieux dans lesquels je n'étais pas admis. Bon, et je suis tombé dans une petite pièce, sur une petite armoire que j'ai ouverte, et j'ai découvert même la bibliothèque secrète de ma grand-mère. Elle avait des livres, mais qu'elle cachait, comme c'était interdit. Elle les cachait, ses livres. Maman cachait ses livres aussi quand elle était petite. Elle cachait ses livres, et il n'y en avait pas 500, il y en avait peut-être une 20, 25, 30, mais qui étaient soigneusement recouverts de papier Kraft. Elle avait écrit sur ce papier Kraft le titre et le nom de l'auteur, avec une belle écriture calligraphiée à l'encre violette. Et j'étais en train d'admirer les livres de ma grand-mère quand j'ai pris un coup de pied au cul magistral. Dans une maison que le m'a dit, tu dégages, t'as rien à faire ici, toi. À cette époque-là, un gamin de 14 ans, on n'a pas son mot à dire, donc j'ai dégagé. Et le soir même, cet oncle a brûlé les livres de ma grand-mère sous un mirabellier, dans le verger. Oh. Et là, j'ai hurlé à mon oncle ce soir-là, j'écrirai des livres un jour pour remplacer les livres que t'as brûlés. C'est pas bien ce que tu fais. Donc, ma grand-mère, paternelle, m'a montré aussi que l'ordre qui était qu'une femme ne doit pas lire de romans, une femme ne doit pas lire, lisait, mais elle transgressait l'ordre de manière discrète. Et là aussi, rébellion, être soi-même, ne pas se laisser aller aux modes, ne pas se laisser aller au courant, qui de toute façon change toujours, ne pas se laisser aller à ce que l'environnement voudrait faire de vous, ce qu'il espère que vous serez, non. Être soi-même. Donc voilà, oui, ce sont des femmes qui m'ont légué tout ça, ensuite j'ai eu d'autres des professeurs absolument extraordinaires, une professeure de mathématiques qui s'appelait Mademoiselle Bonté, qui s'appelle Madame Bolotte aujourd'hui, elle est très âgée mais je suis toujours en relation avec elle, qui m'a donné l'exemple de la conscience professionnelle, de la bienveillance professionnelle dans l'éducation nationale, extraordinaire. Il y en a eu, je pourrais vous en citer de très nombreuses autres, de femmes qui ont joué un rôle très important pour moi, mais je suis marqué par ce regard, par cette lumière qui émane du féminin et qui, seule, permet à l'homme de grandir, quoi qu'en disent les mecs. C'est quelque chose qui, j'imagine, a peut-être influencé votre vie d'artiste. Et c'est d'ailleurs le titre de la pause musicale suivante qu'on va s'écouter, La vie d'artiste. Bravo pour la transition. Hein. Merci beaucoup. Donc on s'écoute Léo Ferré, La vie d'artiste, et on se retrouve juste après sur Radio Guémozou. Je t'ai rencontré par hasard, ici, ailleurs ou autre part. Il se peut que tu t'en souviennes. Sans se connaître, on s'est aimé, même si ce n'est pas vrai. Il faut croire à l'histoire ancienne. Je t'ai donné ce que j'avais, de quoi chanter, de quoi rêver. Et tu croyais en ma bohème. Mais si tu pensais à 20 ans, qu'on peut vivre de l'air du temps, ton point de vue n'est plus le même. Cette fameuse fin du mois qui depuis connaît toi et moi nous revient 7 fois par semaine, et nos soirées sans cinéma et mon succès qui ne vient pas, et notre pitance incertaine. Tu vois, je n'ai rien oublié dans ce bilan triste à pleurer qui constate notre faillite. Il te reste encore de beaux jours, profites-en mon pauvre amour. Les belles années passent vite. Et maintenant tu vas partir, tous les deux nous allons vieillir, chacun pour soi, comme c'est triste, tu peux remporter le phono, moi je conserve le piano, je continue ma vie d'artiste. Plus tard, sans trop savoir pourquoi, un étranger, un maladroit, lisant mon nom sur une affiche, te parlera de mes succès, mais un peu triste. Toi qui sais, tu lui diras que je m'en fiche. Vous êtes de retour sur Radio Gémozo 107 FM. Vous avez à l'instant écouté Léo Ferré pour son morceau La vie d'artiste, toujours avec Dominique de Gémé, je vous le lis, et Gilles Laporte pour la sortie de ton nouveau roman Les Roses de Montfort. Du Montfort, pardon. Oui, en plus, j'ai bien écrit sur mon cahier. C'est vrai parce que le Montfort, c'est un lieu. Justement, ouais, c'est un lieu précis. Justement, s'il y a quelque chose dont on n'a pas trop parlé, c'est le choix du titre qui, je pense, n'est pas anodin. Gilles. Bah oui, parce qu'il y a question du Montfort, qui est un lieu que j'aime beaucoup, et de rose, une fleur que j'aime beaucoup aussi, et qui est très très symbolique d'ailleurs, la rose. Mitterrand l'avait bien compris, il le savait bien qu'il avait choisi pour symbole. Donc oui, les roses et le Montfort. Alors, d'abord le Montfort, c'est un magnifique coteau, c'est une butte qui était fortifiée autrefois, d'où son nom Montfort. Il y a beaucoup de Montfort en France, et c'était toujours des buttes fortifiées, qui se situent à... toute petite dizaine de kilomètres de Vittel, entre Dompère et Vittel. C'est un lieu qui était occupé depuis la plus haute antiquité. La butte du Montfort a toujours été un lieu de vie sociale, spirituelle, militaire. Il y a là-haut des vestiges intéressants. La ville qui se situait sur le mont a été rasée par les Français... comme toujours dans notre pays pendant la guerre de 30 ans, sur ordre de Louis XIII et de Louis XIV, qui n'ont laissé que des ruines derrière eux, et a été reconstruit au pied de cette butte du Montfort, un village qui s'appelle aujourd'hui la Neuveville sous Montfort, donc la Neuveville. Et c'est un coteau qui portait des vignes, il y avait, souvenons-nous, 6500 hectares de vignes dans le seul département des Vosges jusqu'en 1870. 6500 hectares de vignes, ça n'est pas rien. En 1920, il en restait 23 hectares. C'est dire la catastrophe qu'a été le phylloxéra, qui a tout ruiné, et puis la Première Guerre mondiale qui a fini la ruine du phylloxéra. Donc c'est une butte très très intéressante, elle est très très belle d'ailleurs, le paysage là-haut est magnifique. Et je peux confirmer, parce que si on lit le livre, on a surtout envie d'aller voir où se trouve la Neuville sous Montfort. Et j'ai eu la chance de l'avoir sous le soleil en automne avec ses vignes magnifiques et cette petite promenade le long du coteau. Ouais. Et je peux vous assurer je suis sûre qu'elle vous a inspiré. Mais bien sûr, c'est un lieu magique. Magique. On regarde ce lieu quand on est encore sur la grande route, on le voit de loin. C'est une sorte d'apparition. Tout à fait. Que cette butte du Montfort couverte de vignes pour une grande partie. Et quand on est dans le vignoble, quand on est sur cette butte du Montfort et qu'on regarde vers l'est, on a un dégagement, une perspective, un horizon extraordinaire sur les Hautes-Vosges. C'est un lieu, oui, magique. Et c'est un lieu qui a connu une belle renaissance dans les années 90. Parce que là, une volonté d'équipe municipale, doublée d'une volonté d'équipe professionnelle de chambre d'agriculture, de département des Vosges avec Christian Poncelet, de région Lorraine, ensemble, ces institutions-là ont fait en sorte que puisse renaître le vignoble, un vignoble conservatoire, c'est-à-dire un vignoble qui permette de montrer... de garder vive la mémoire de ce qu'était la vigne dans les Vosges jusqu'à la fin du XIXe siècle. Et aujourd'hui, donc, c'est le seul lieu des Vosges qui comporte une coopérative vinicole. Ils sont 35, je crois, producteurs. Ça sentait bon, le jus de raisin pressé le jour où j'y suis allée. On n'a pas osé déranger les vignerons. Parce qu'on avait vu de la lumière à l'intérieur, mais on n'a pas osé les déranger, mais ça sentait bon. Oh, il fallait frapper à la porte, ils auraient ouvert. Et c'est une belle équipe et c'est un beau lieu. Et c'est un excellent vin. Voilà, le vin bleu. Je fais un peu de publicité pour ce vin, le vin bleu de la Neuville-sous-Montfort, le vin bleu du Montfort, et le gris fruité de la Neuville-sous-Montfort, donc griffutés du Montfort sont des vins exceptionnels qui aujourd'hui bénéficient de traitements scientifiques, techniques absolument rigoureux, qui, partant de cépages rustiques, Oberlin, Kuhlmann pour la plupart, dont le Léon Milo, obtiennent un vin de très très grande qualité, un vin qui est tout à fait indiqué pour accompagner ou préparer même un coco vin pour déguster un bon Munster avec ou sans cumin en compagnie d'un vin bleu du Montfort. C'est extraordinaire, vous tombez à genoux, hein. À genoux de... On a bien envie d'y goûter. D'adoration quasiment mystique. Je suis sûre qu'il y en a un dans votre petite sacoche. Hein. Il n'y en a pas. Oh mince. Il n'y en a pas. Non, parce que le stock du cru 2017 est épuisé. Le 2018, il est encore en cuve, en train de finir, oui, de fermenter. Oui, mais ce sera peut-être une très bonne année avec ce soleil. Très bonne. Voilà. Je crois que chaque année, le stock est très, très vite épuisé. Les vignerons manquent. Donc, il faut qu'on commande tout de suite. Hein. Donc, le nouveau vin sera disponible, non pas comme le Beaujolais qui est disponible 3 semaines après les vendanges et que c'est de la pisse d'âne tout juste bonne pour les Japonais. Mais d'ailleurs, ils sont en train de revoir leur technique. Mais pas les Japonais, mais les vignerons du Beaujolais. Ce vin qui va dormir encore, se bonifier, se préparer, sera disponible à partir de mars-avril. Et il sera exceptionnel. L'année 2018 est absolument exceptionnelle. Je pense. On va le déguster avec plaisir, avec le livre dont on remet le titre, « Les roses du Montfort ». Oui, oui. Voilà. Je souhaite que vous puissiez déguster le vin avec Chopin, le livre et un bon feu dans les chaumières. Oui, même sans bon feu, il réchauffera un peu. Voilà. Contribuera à réchauffer l'atmosphère. Mais pour en revenir au titre, parce que oui. Ma question sur le titre amène à une autre question. Je n'ai pas parlé des roses. Oui, justement. Les roses du Montfort, alors il me semble que c'est c'est les derniers mots de ton roman. Donc en fait, c'est un petit peu ce qui clôt l'histoire, hein, tout simplement, ou qui l'ouvre d'une certaine manière. Ça dépend comment on veut voir cette fin. Mais c'est un petit peu ces roses-là, on n'en a pas trop parlé, c'est vrai, c'est des roses que Louise utilise pour, comme un petit peu baromètre de l'état de santé des vignes. Exactement, si je me trompe pas. C'est ça. Oui. Et il me semble, alors déjà, ces derniers mots choisis comme titre du livre, en fait, un petit peu comme une ouverture, une fermeture, comme une grosse parenthèse, c'est une chose. Mais il y a autre chose que j'ai remarqué, en fait, que ces plantes-là, d'une certaine manière, en plus des cépages croisés que Charles avait ramenés d'Alsace, ces roses-là ont sauvé un petit peu la vigne et la famille. Mais il y a d'autres plantes, hein, parce que Louise aussi a une connaissance assez importante des plantes, qui ont failli mettre fin à sa vie. On n'en a pas trop parlé, mais c'est avec l'aide des plantes qu'elle, d'une certaine manière, qu'elle se rebelle contre son père en tentant de se suicider. Ce qui a une symbolique, une importance en fait, entre le lien des plantes avec Louise. Mais c'est de même nature qu'entre l'être humain et son histoire. Hein. Nous appartenons à un environnement, nous sommes nés sur un sol. Et nous avons reçu à la naissance des vibrations telluriques, des ondes telluriques qui nous ont nourris. Nous avons reçu aussi des ondes cosmiques qui nous ont nourris aussi à leur manière. Le sol sur lequel nous vivons est un sol qui nous transmet ses qualités. Le ciel sous lequel nous vivons nous transmet ses qualités. L'air que nous respirons nous transmet ses qualités. Et tout notre environnement, qu'il soit humain, animal, végétal ou minéral, nous transmet aussi toutes ces qualités. Tu parlais fort justement des plantes qui sont assez présentes là, évidemment, la vigne est très présente, ça oui, va ça de soi. Va sans dire. Mais les roses et le laudanum qui est utilisé et qui est un dérivé de l'opium, ces plantes-là accompagnent mes héros, mais parce qu'elles nous accompagnent en permanence dans la vie. On a tendance à ignorer complètement notre dépendance à l'environnement. Or, c'est une réalité. J'ai eu le privilège d'aller passer quelques mois en Afrique noire, en Côte d'Ivoire. C'était juste avant d'entreprendre des études de philosophie. Et bien, s'en est trouvé parce que j'ai pu alimenter mes recherches philosophiques de ce que j'avais constaté là-bas. Que se passe-t-il en Afrique ? L'Afrique qui est restée dans sa culture d'origine, qui est restée africaine, qui n'est pas encore malmenée par les États-Unis. Il n'y a plus beaucoup d'endroits qui ne le sont pas. Les Africains vivent ce que j'hésite à appeler une religion, ce que j'appellerais plutôt une philosophie, quoique, c'est l'animisme. Qu'est-ce que l'animisme ? C'est un rapport à l'environnement selon lequel tout est animé, tout est esprit. Anima, l'âme. L'animisme, tout a une âme. Alors que ce soit l'autre humain qui est à côté de moi, bien sûr, il a une âme comme j'en ai une. Et en ça, puisque nous avons la même âme, il est aussi respectable que je le suis. Mais l'animal qui est avec moi, à côté de moi, que je le connaisse ou pas, a lui aussi une âme. Il y en a encore qui se demandent aujourd'hui si les animaux ont une âme. Bon, voilà. Ils en ont une. C'est indéniable. Donc l'animal est aussi respectable que moi, humain, ou que les autres humains. Et puis le végétal, qui est aussi un être vivant, il a aussi une âme. Et puis l'Africain va jusqu'à dire, et la pierre du bord du chemin, elle aussi, elle est faite de molécules, les mêmes molécules que mon corps, chimiquement parlant. Et elle est exactement de même composition que moi. Il y a simplement des dispositions moléculaires qui sont un peu différentes. Mais les mêmes. Donc tout est animé. Tout est animé de la même manière que je le suis. Donc tout est éminemment respectable. C'est un peu ce que j'essaie de confier par ces exemples que tu citais fort bien de plantes qui nous environnent et qui sont des compagnons de mes personnages. Oui. Et moi, je vais ajouter une petite note romantique, un petit extrait de ton livre là. C'est donc le nouvel ami de Louise, André de Rez, sans Z, avec un E final. Il se pencha, cueillit une fleur de chicorée sauvage au pied du banc, l'éleva à hauteur de ses yeux, l'examina. Ah, j'aime cette couleur, ce bleu mauve délicat et cette finesse des pétales d'aspect si fragile d'une fleur capable de résister aux pires sécheresses. Il prit un air songeur. Résistante, cette fleur, comme nous autres, polonais. Et c'est un petit peu le trait d'union que je voulais dire aussi. Dans ton livre, il y a aussi l'acceptation de l'immigré, du polonais qui arrive dans ses vignes, qui adore son travail et qui tombe amoureux d'une si jolie femme, Louise. Oui, on est dans une époque très, très, très convulsive à propos de l'arrivée des étrangers. Voilà. C'est un autre thème que j'ai souhaité aborder là, parce que c'est ça la vie. On est toujours placé dans l'environnement ou à proximité de quelqu'un qui vient de nulle part pour nous, qu'on ne connaît pas, qui n'a pas la même culture, qui ne parle pas la même langue. Et ce quelqu'un, parce qu'il est inconnu, représente, selon beaucoup, un risque. Or, mon gars qui arrive de Pologne, lui va représenter, au contraire, va être une sorte d'indicateur d'avenir. Oui, puis il y a même le petit garçon de Louise qui interroge son grand-père. « Dis, Pépère, c'est quoi un Polonais ?» J'adore. Parce que les enfants sont naturels. Oui, oui, et la question que se pose cet enfant, c'est la question que nous devrions tous nous poser. Quand on est face à quelqu'un d'inconnu, a fortiori de quelqu'un qui vient d'ailleurs, un ailleurs lointain, c'est quoi toi ? Qui es-tu toi ? Voilà. Qui es-tu toi ? Autrement dit, permets-moi de pénétrer en toi pour aller te reconnaître, mais de la même manière que moi je m'offre à toi pour que tu me reconnaisses. C'est pour moi, si je me méfie d'un mot comme égalité dont on parlait tout à l'heure, il y a un mot que je vénère entre tous, c'est le mot fraternité. Ben normalement, C'est celui qui devrait ne poser aucun problème, au-delà de sa présence sur tous les frontons de temples républicains, république qu'il respecte bien mal d'ailleurs maintenant, hein, quand on voit comment... Oui, parce que normalement, libertin... Liberté, égalité, fraternité. La notion de fraternité, pareil, malheureusement, est absente aujourd'hui de la plupart des décisions de nos politiques. Mais bon, c'est leur affaire. C'est leur affaire, mais nous en sommes victimes, hélas. Mais cette notion de fraternité est, pour moi, essentielle. Et pas seulement vis-à-vis de ceux que je connais et que j'aime. Non, non. Être fraternel, c'est être avec tout le monde. Fraternel. C'est l'être avec des gens de couleurs différentes, de cultures différentes, de langues différentes, des gens différents. La différence est toujours source de richesse, mais là j'enfonce une porte ouverte. Il y en a des portes ouvertes sur votre livre, hein, ça ouais. C'est certain, certain, certain. Même la première porte ouverte qui m'a été donnée, c'est votre éditeur, hein, Terre de France, qui m'a envoyé votre livre, que je remercie beaucoup. Laetitia Matuzic est l'attachée de presse. Oui. Et franchement, je pense que c'est un petit peu ça, la fraternité. C'est l'ouverture vers les autres et la pensée à nous, petite radio. Ça fait plaisir de partager. Il y a un mot qui est indissociable pour moi du mot fraternité, c'est le partage. Voilà. C'est le partage. Je pense que nous avons tous une mission. Simple. Simple. Il ne s'agit pas d'aller chercher des missions philosophiques ou spirituelles ou tout ce qu'on veut. Non, c'est tout simple. Mais je crois que peu de nos contemporains en ont conscience. Vous, toi Lou, toi Dominique, vous êtes unique. Unique. Il n'y a pas de Dominique sur Terre, il n'y a pas de Lou sur Terre. Il n'y a jamais eu une autre Lou sur Terre. Et après la disparition de Lou, il n'y aura pas une autre Lou sur Terre. Ni un Gilles. Je ne pense pas. Or, qui a conscience de cette unicité? Qui en a conscience? Le respect de personne. L'autre. Personne n'en a conscience. Or, c'est de ça que découle la mission de chacun. La mission de partage de chacun. Si chacun est unique, ça veut dire que chacun a une vision particulière du monde. Je ne vois pas une rose de la même manière que Lou, Dominique. Je ne vois pas une forêt, un paysage, la butte du Montfort de la même manière. Je ne vois pas la relation homme-femme de la même manière. Je ne vois pas l'engagement politique de la même manière que les autres. Et ma mission, c'est d'inviter l'autre à partager ma vision, de sorte qu'il soit plus riche. Tout à fait comme l'autre, qui a la mission de m'inviter à partager sa propre vision. Et s'il le fait, je serai plus riche. C'est ça ma conception de l'échange par la littérature. Mes romans sont une invitation à partager ma vision du monde, et à chaque fois que je rencontre des lectrices et des lecteurs, et c'est heureusement très très fréquent, ils m'invitent, eux, par une sorte d'effet de miroir, à partager leur vision du monde. L'échange avec lui ou elle, c'est un échange qui est enrichissant pour les deux. Donc c'est ça la mission que nous avons. Plus nous partagerons les visions du monde individuel que nous détenons, dont nous sommes les seuls détenteurs, et plus nous serons tous riches de tout. C'est une très très jolie phrase et ça continue un petit peu ce que je pense depuis que je suis, moi, toute petite. J'ai toujours aimé discuter, parler, et c'est vrai que c'est un petit peu dommage maintenant. Les enfants, des fois, ont du mal de nous écouter plus de 5 minutes. Il faut tout de suite changer de sujet. Bah oui, mais tout, oui. Dépend de... Tout va très vite. Tout dépend du sujet dont on les entretient. Oui. Moi, j'aime beaucoup leur raconter des histoires, parce qu'avec les histoires, on arrive à capter l'attention et des enfants et quelquefois des adultes. J'interviens très souvent en école, collège, lycée, université. Et qu'est-ce que j'entends souvent des adultes dire ouais, nos jeunes, ils s'intéressent à rien. Ouais, nos jeunes, ils n'écoutent rien. Ouais, ils se foutent de tout. Ouais, il n'y a que leur ordinateur. Il n'y a que leur SMS. Non, c'est pas vrai. C'est complètement faux. Tous les jeunes que je rencontre, il n'y a pas une semaine où je ne suis pas dans une école, sont des jeunes qui sont bienveillants, ils disponibles, ils sont attentifs, ils sont prêts à s'engager, à s'investir. Ils sont curieux, saine curiosité. Mais qu'est-ce qu'on leur propose? qu'est-ce qu'on leur propose ? Mais les professeurs continuent quand même, parce que je vois pour mes petits-enfants... Mais non, mais ne parlons pas de cas particuliers, de manière générale. Que leur proposons-nous ? Rien. On ne leur propose pas de projet individuel, pas de projet collectif. Quelle est la... On parlait de vision du monde tout à l'heure. Quelle est la vision ? Là, parlons de la vision de la société que proposent nos responsables politiques. Quelle est la vision qu'ils nous proposent, dans laquelle nos jeunes... peuvent se retrouver. Pourraient se retrouver. Ouais. Il n'y en a pas. Donc, ils sont fermés à tous les discours d'adultes, enfin, à la plupart des discours, parce qu'ils se disent qu'après tout, il y en a marre, quoi, c'est toujours... Non. Mais ils sont, quand on va vers eux, et quand on prend la peine de se rendre disponible à ce qu'ils sont, ils sont tous absolument passionnants. Passionnants. Un exemple. J'étais, il n'y a pas très longtemps, dans un lycée des Vosges. J'ai rencontré deux classes de bac pro. Et ils étaient donc une soixantaine devant moi. Et il y a un jeune qui... un gars qui prend la parole, qui me dit « Monsieur, nous les jeunes, on ne lit plus. Est-ce que c'est grave ?» je réfléchis un peu. Je lui dis « Écoutez, là, j'ai pas bien compris la question. Est-ce que vous pourriez me la répéter ?» Ben, il me dit « Oui, oui, nous, les jeunes, on lit plus, quoi. Est-ce que vous trouvez que c'est grave ?» Je suis désolé, mais je ne comprends pas la question. Vous ne voulez pas me la répéter ? Et là, je vois dans son regard, il me regardait fixement, je vois dans son regard, il pensait, mais qu'est-ce que c'est que ce vieux con ? Dire qu'on va passer, il ne comprend rien ce type, on va passer 2 heures avec lui, ben on est mal barré. Il y avait tout ça dans son regard. Je dis, oui, répétez-moi s'il vous plaît. Alors il commence à s'énerver, il me dit, bah oui, ma question est simple, je vous dis, nous, il paraît qu'on nous, on ne lit plus. Est-ce que vous trouvez que c'est grave ? Ben, je suis vraiment désolé. Je ne comprends pas le sens de la question. Parce que quand je suis arrivé dans la cour tout à l'heure, vous étiez 400, 500, chacun dans votre coin, avec votre bazar. Et vous étiez tous le nez là-dessus. Qu'est-ce que vous faites là ? Mais vous lisez, nom d'un chien. Ne me dites pas que vous ne lisez pas, vous lisez. Vous êtes en permanence là-dessus. Quand ce n'est pas là-dessus, c'est sur l'ordinateur. Sur Internet. Mais que lisez-vous ? Vous ne lisez pas forcément ce que vous devriez lire. Que lisez-vous là-dessus ? Que lisez-vous là-dessus ? Vous lisez des ordres que vous donnent 3 types qui sont planqués à Los Angeles et qui vous disent le type de godasse que vous devez porter, la marque du pantalon que vous devez porter, la couleur du t-shirt que vous devez porter, qui vous disent la forme de la bouffe que vous devez mettre dans votre assiette. Voilà ce que vous lisez tous les jours. Donc vous lisez, mais pas forcément ce que vous devriez lire. Est-ce que vous vous estimez libre ? Ben oui qu'on est libre, nous, oui, vous voudrez bien qu'on voit qu'on ne soit pas libre. Ben vous ne l'êtes pas, parce que vous êtes prisonnier de 3 types planqués à Los Angeles qui dirigent complètement votre vie depuis là-bas. Vous êtes complètement soumis à ces gens-là. Les 2 heures qu'on avait à passer ensemble, elles ont tourné sur cette notion de liberté individuelle. C'était passionnant. Et là, ils ont tous participé. Et quand ça s'est terminé, celui qui m'avait posé la question, nous les jeunes, on ne lit plus, est-ce que c'est grave ? Il est venu vers moi, tout le monde était sorti, il s'est planté devant moi, m'a tendu la main, il m'a dit, merci monsieur, je crois que j'ai compris. Voilà. Mais c'est ça nos jeunes. C'est ça, ils attendent qu'on leur parle vrai. Ils attendent qu'on leur parle de ce qui les intéresse, et ce qui les intéresse, ce n'est pas nos histoires à dormir debout, c'est l'essentiel de la vie. Et c'est ça qu'ils attendent de nous. C'est un échange. C'est ça qu'ils attendent de nous. Or, faisons-nous ce travail ? Pas toujours, pas souvent. Moi, je vais bientôt être obligée de le faire. Moi, mon travail vers mes petits-enfants, que je vais On pourrait passer 3 heures ensemble. Hein. On pourrait à coup sûr passer 3 heures ensemble. Je vais aller voir. Et puis, j'ai fait lire mon petit Louane, moi, ici à la radio. Il a lu un petit extrait d'un livre sur les dinosaures. Et ma foi, si ça vous amuse un petit peu d'écouter, c'est vraiment très amusant de voir que les enfants, même à 7 ans, peuvent être captivés par une lecture. Bah moi, j'ai été captivé à 7 ans. Captivé à 7 ans par Don Quichotte. Hein. C'est de là que c'est grâce à lui que je suis là aujourd'hui. Ouais, moi, ça commence à la maternelle avec l'histoire des petits Abouchak. Abouchak, c'était un petit Esquimau. Et hop, j'étais déjà partie sur la banquise. Là, je vais partir à l'école. Mais voilà, chacun a ses histoires propres, hein, et chacun même raconte ses propres histoires. Donc, toi, Gilles Laporte, c'était l'histoire de Louise dans Les Roses du Montfort, que je vous invite d'ailleurs à lire. Hein, Dominique, ne t'inquiète pas, on arrive sur la conclusion. De toute façon, l'heure tourne et on a déjà dépassé l'heure. Mais comme tu le disais un petit peu plus tôt, hein, c'est toujours possible d'échanger avec toi et de présenter ces différentes visions alors du monde ou même du roman que je vous suggère vraiment de lire si vous ne l'avez pas encore lu. D'ailleurs, tu seras ce week-end hein, à Thaon-les-Vosges pour le Salon du Livre avec la Fédération oui. des Sociétés Savantes des Vosges, que je reçois d'ailleurs demain. Oui, ah, c'est dommage, on n'a pas eu le temps d'en parler, mais on aura certainement, j'espère, d'autres occasions d'en reparler avec toi, Gilles. Mais en tout cas, voilà, c'était pour ton roman, ton très beau roman qui se lit quand même assez vite, assez facilement. Et je vais te libérer, Dominique, en faisant la programmation de la soirée comme d'habitude. Et comme on est mardi, la prochaine émission qu'on retrouvera, c'est à 20h. La parole est à vous avec Michel. Puis à 22h, on retrouvera Dominique pour J'ai aimé, je vous le lis. Et on se retrouvera demain matin, 7h-8h, pour la rediffusion de l'émission que vous avez écoutée à l'instant. Aisément écoutable, aisément téléchargeable sur ordinateur, smartphone, tablette, peu importe les systèmes d'exploitation, tout fonctionne. Elle sera aussi disponible sur notre site internet radioguimouzo.eu, rubrique l'heure des loups. Non, émission et rediffusion l'heure des loups, je vais y arriver, ou aussi sur notre page Facebook. Et comme demain, on est mercredi, ce sera suivi de la chronique d'Amadou et enfin de la matinale de Marion qui vous racontera le programme de la journée de demain. Sinon, on se retrouvera demain 18h-19h en direct cette fois avec, comme je le disais, la Fédération des Sociétés Savantes des Vosges pour en savoir plus sur le Salon du Livre de Thaon. Voilà, ça c'est pour la programmation. Et Dominique, Gilles, merci beaucoup pour cette émission. Merci à toi, Lou. Merci beaucoup. Merci à toi, Lou, de nous avoir permis de partager cette belle histoire. Merci à toi, Gilles, de l'avoir écrite. Merci, Dominique. Voilà. Et merci aux auditeurs aussi, en espérant que ça leur a plu. En tout cas, en ce qui me concerne, c'était passionnant. On aurait pu en faire 3 heures, mais l'heure des loups ne peut pas durer 3 heures. Hein. C'est le format radiophonique. Enfin bref, je ne vous retiens pas plus longtemps. Je vous souhaite à tous une très très belle soirée. On se retrouve demain, même heure. Bonne soirée à tous. Merci.